La communauté internationale exalte les exploits mortels du président Kim Il-sung pour la victoire dans la guerre. Le président du Conseil suprême du nouveau parti socialiste roumain, le président du comité koweïtien pour la réunification de la Corée et autres personnalités de divers pays ont dit que sous la direction imminente du président Kim Il-sung, les militaires et civils coréens ont vaincu les agresseurs américains qui se vantaient d'être les plus puissants du monde et obtenu la brillante victoire dans la guerre de libération de la patrie. Le journal bulgare Zalava, le cercle d'études du kimilsonisme kimjonginisme de l'Afrique du Sud et l'association britannique d'études de la politique de Sungun ont noté dans leur page d'internet qu'à travers la victoire dans la guerre de libération de la patrie, le monde a honoré le président Kim Il-sung comme commandant le plus prestigieux et la Corée est renommée comme pays héroïque qui a marqué le début du déclin des impérialistes américains.